Eugène remonta rapidement chez le père Goriot. « Bianchon, l'argent de la montre. Il est là, sur la table. Il en reste 360 et quelques francs. J'ai payé sur ce qu'on m'a donné tout ce que nous devions. La reconnaissance du Mont-de-Piété est sous l'argent. « Tenez, madame, dit Rastignac, après avoir dégringolé l'escalier avec horreur. Soldez nos comptes. Monsieur Goriot n'a pas longtemps à rester chez vous. Et moi ? Oui, il en sortira les pieds en avant. « Pauvre bonhomme, dit-elle en comptant 200 francs, d'un air moitié gai, moitié mélancolique. « Finissons, dit Rastignac. « Sylvie, donnez les draps et allez aider ces messieurs là-haut. « Vous n'oublierez pas, Sylvie, dit Madame Vauquet à l'oreille d'Eugène. « Voilà deux nuits qu'elle veille. » Dès que Eugène eut le dos tourné, la vieille courut à sa cuisinière. « Prends les draps retournés, numéro 7. « Pardieu, c'est toujours assez bon pour un mort, lui dit-elle à l'oreille. Eugène, qui avait déjà monté quelques marches de l'escalier, n'entendit pas les paroles de la vieille hôtesse.